Tu n'es pas parfait. Si tu ne patientes pas, ma'aha, et elle patiente ma'ak, et si tu veux tout régler d'un coup, bal, ba'dannas, ka'anahum, ils veulent aucun défaut, ça t'atab. C'est pas comme une personne qui est loin. Matalan, des membres de la famille, tu les vois une fois dans l'année. Robama, tu le vois deux jours. Tu vas voir que du khayr. À te faire des grands sourires. Un tas, tu vas aller faire des sourires. Tu le vois une fois de temps en temps, des cadeaux. En général, ça se passe bien. En général, t'as pas de problème avec ce genre de personne. En général, les problèmes, c'est avec ceux que tu côtoies souvent. Fasbir. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. Ça, ça sera la deuxième faïda. نقرأ. الآن نحن voulons vous démontrer ماذا يريد الشيخ السعدي الآن. Il te montre الآن أن il y a des personnes tu les côtoies souvent. Ce qu'il a dit هنا الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعان. قال وكل من بينك وبينه علاقة واتصال. Ha'oula al-an, ils sont vraiment proches, tu les côtoies tous les jours. قال وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكره. Ça c'est مهم. Tu sais au fond de toi, توطن نفسك, et tu t'habitues à ha'oula, c'est des êtres humains. Ha'oula, ils ont des faiblesses. Toi aussi. كذلك المهم هنا, c'est que toi كذلك tu fais des fautes. Il y en a بعض الناس, ils reprochent aux autres des fautes et lui-même il fait des fautes. Ben, pardon, il veut que Foulani se corrige et lui, il ne fait pas d'effort pour se corriger. Ça arrive beaucoup, les problèmes de couple. Une petite chose, il va demander maintenant à sa femme, t'arrêtes de faire telle chose. C'est une chose, Obama, c'est une chose là, bas, c'est elle. Et lui, il fait des avant-m, et il ne fait aucun effort. Hadala, hadala, il y a 12. Hadala, ça fera des problèmes. Il y a un ayam, ta femme, elle te dira, mais toi aussi, tu fais kata. Si la fierté elle rentre, khalas. Hada c'est muhim. Tu fais des efforts et tasbir ma'a al-akharin. Amma ba'd an-nas wal 'iyad billah yabtulu, il regarde que les autres et lui il fait aucun effort. Avec les autres, daiman il essaye d'enlever, il essaye de ici des hadith al-wa'id, si tu fais pas telle chose, si tu ne fais pas telle chose, tu risques ça. Et avec lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghafur rahim. C'est pas hakada. C'est pas hakada là. Tu as des exigences avec tes proches, kadalik, eux ils en ont envers toi. Ils ont des hukouk, kadalik, toi t'as des hukouk. Ils ont des devoirs, kadalik, t'as des devoirs. Hakada, chaque chose à sa place, c'est muhim. قالوا أنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكره. يا أخي, t'es pas في الجنة. والله, cette femme, cet enfant, ce frère, cet associé, c'est des ضعفاء. خاصة s'ils n'ont pas de علم. خاصةً s'ils sont pas à la sunnah, c'est des awam, فَلَا بُدْ مِنَ الصَّبْرِ. T'entendras des kalimates qui te feront du mal, ou des harakat, ou mu'amalat. هذا لا بد. يا أخي t'es في الدنيا. تصبر. T'essayes de régler chaque chose. لكن قد يقول قائل أحياناً لا بد. Des fois, il faut montrer, il faut. لا شك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. هذا لا شك. الشيخ سعدي الآن يتجي با تتطع على منكر أبدا, لكن يا أخي للشوز هي الميتود أي دي مصالح كذلك. مثلا أنت مغي سا دي زنفان فسي با من السهل تو ديفورس بور اون مسألة. لا تو دوا فور لوان أنت, لأن ربما سي اون شوز لا باس تو بو باسيونتي لا ريغلي افيك لو تون, لكن لو ديفورس سا بو تبوسي ا دو شر. كذلك s'il y a des enfants, intabihu, les enfants ربما يضيعون. Il y en a, les enfants qui sont élevés par un père et une mère, c'est pas comme des enfants qui sont élevés par une mère فقط ou un père فقط. Là l'enfant il a besoin de père et mère. Insan دائما il a une responsabilité فيصبر. Et من هو أعلم منك وأفضل منك, et il a eu des problèmes avec ses épouses. هذا لابد. لابد une kalima. La bout, une haraka que t'aimes pas. Lakin, ça veut pas dire que khalas. Khalas, le divorce là. Wattin nafsaka annahu la bout an yakun fihi aibun ou naqs. Hada la bout. Et ne t'oublie pas, enta. Si quelqu'un t'a fait du mal, que ce soit azzawja ou autre, oublie pas que enta kadalik, des fois tu lui fais du mal. Wahiya tasbir. N'oublie pas hada. Fa comme enta t'aimes bien que les gens yasbirun alayk, fasbir alayhim. Al jaza'u min jins al amal. قال فَإِذَا وَجَدْتَ ذَلِكَ. الآن, on est tous d'accord, حتى entre nous, élèves, professeurs, ou طلاب, ou amis, chacun a un frère, il va te dire une kalima. Ou une sœur, elle va dire une kalima sur sa sœur. هذا معروف. هذا, tu n'y arriveras pas. Amma ba'd an-nas, il pense un problème, خلاص, il délaisse. Maintenant, il a un ami, un problème, il le délaisse, il ne lui parle plus, hajr. Et il pense qu'il va trouver un autre ami, ça va bien se passer. Ya akhi, ce deuxième que tu vas trouver, Obama, il sera pire. Obama va avoir des choses akthar. Mais ce n'est pas la solution. Alham Shay, c'est que tu arrives à parler, il nasiha, il accepte, tamam. Tamam. قال فإن فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بالتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة. نعم, مثلا ta femme elle t'a dit une mauvaise parole, وأنت تغضبان, الشيطان مباشرة il vient, tu penses à divorcer, pense le خير qu'elle t'a donné, pense le خير أن elle a des سبب في كثير من الأمور. C'est ta femme, tu as des liens avec elle, Obama, tu as des enfants, vous avancez dans votre dîn, Alhamdulillah, kul wahid il est mastour al-hal, tu t'es écarté des fidèles, pense à toutes ces choses. Et cette kalima mauvaise, ou cette mu'amala mauvaise, tu parles. Ya fulana, tu as dit kada, et tu cites des hadiths, tu cites des versets du Coran, en Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste cette chose, en Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde, et nasiha, berif, elle n'a pas accepté aujourd'hui, elle acceptera demain, mais il n'a pas, tu préserves le khayr. Et le mal qui est présent, tu essayes de le régler. Amma ba'd an-nas, ils ont des faiblesses. Ils n'arrivent pas à conseiller. Ils n'arrivent pas à enlever le mal. Ils pensent que fuir, c'est la solution. Mubashara, qu'est-ce qu'il dit? Divorce. Et ils pensent que c'est de la rujula. Wallahi, c'est pas ça. Wallahi, dans la plupart des cas, un que tu analyses, le divorce, c'est de la faiblesse. Alors, il ne peut pas. Il ne sait plus comment faire. Il fuit. Hada. Kadalik avec les amis. Ba'dhum, ils ne savent pas faire nasiha. Ou ils n'ont pas l'audace, le courage de faire nasiha. في الهجر مباشرة لماذا لأنه صار ضعيف لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس القوي بالسرعة إنما القوي من يمسك نفسه عند الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم لا أن القوي سبب بالسرعة أي في طنب فلان يطب فلان ça c'est de la faiblesse. Celui qui frappe ou qui fuit en général c'est de la faiblesse. Là pardon, c'est de la force et du courage. Le courage c'est celui qui patiente et il amène ses nafsa ou il montre. Ah, c'est ça le plus dur. Amma taper, c'est très simple. Ba'dhum wal iyad billah, ils ont des problèmes avec leur femme. Robama, ils tapent sans raison valable et ils tapent un verbe chadid. Ça, c'est de la faiblesse. Les gens, il n'arrive pas à parler et à corriger. Tellement qu'il est faible, il n'arrive pas à amener son nafs, il tape. Ou son enfant, ça arrive qu'à dire. Ba'dhum, ils ont tellement ils tapent leurs enfants, Robama, il lui a cassé quelque chose. Ba'dhum, ils les ont tués. Ça arrive. Il tape son enfant, il tape la tête, il le tue. C'est quoi qui a fait ça? C'est qu'il est faible. Wallah, celui qui a quoi? Il sait et il essaie de corriger cet enfant avec toruq shar'iyya. Il peut taper dans certains endroits un darb khafif et aham shay, c'est le dialogue. Avec zawja, c'est mibab aoula. Avec les étrangers, c'est pas ta femme, c'est pas ton enfant, mibab aoula, tu tapes pas. Na'oudou billah. C'est ça la force. Un Cheikh Saadi te montre. Il te montre, rahmatullah alayhi, en a les choses, ne te fais pas avoir par Iblis. Iblis, une petite mouchkila avec ta femme, ou avec un ami, ou avec ton père, ta mère, un proche, il veut te faire croire, ahyanan, que c'est quelque chose de kibir. Et il te donne des solutions. Hajar, fuis, délaisse-les, insulte, tape. Na'oudou billah, c'est pas ça. Khasatan, les parents. Wallahi, ba'duhum, na'oudou billah, mina al-khudlal, ou mina al-dhalal. Son père ou sa mère, une kalima, il les hajar. C'est son père, sa mère. Wallahi, ton père, walaou, il te tape sans raison. Walaou, yuhammil fawq ra'sak al-hijar ou al-mata'ib. Le khayr, si t'appliques la nasiha de Cheikh Saadi, tu vois le mahasin, il t'a élevé, il t'a éduqué. Walaou, il a eu du naqs. Il t'arrivait une chose, c'était le premier. Combien de fois il t'a emmené à l'hôpital? Combien de fois il t'a emmené au médecin? Combien d'argent? Calcule rien que l'argent qu'il a utilisé. Il t'a habillé, il t'a... Thomas, une kalima, il te dit. Il se trompe, Obama. Khasatan, des parents djuhal, des awam. Obama, pardon, ils ont des parents kuffar. Obama, une kalima, il te dit, batel, il te dlam, ma'rouf. Lakin, ya akhi, oublie pas le khayr. Oublie pas le khayr, c'est ton père, c'est ta mère. Fariyad al-hal, tu patientes et tu te rappelles tout le khayr qu'il t'a fait. Et cette chose de mal qu'il t'a fait, tu lui dis, afallahu ank, je te pardonne, lillah azza wa jal. Hakada, tu vas voir que même lui, il va être touché. Il va dire, mon enfant, c'est un salih. Voilà aussi le dibab ilisan, Al-Maqal, Haluhu, ça sera Hada. Il va être touché, il va dire, cet enfant, il connaît le khayr. Et t'inquiète pas, quand il est touché, il changera. Léana, c'est ton proche. C'est pas comme un autre. Pourquoi, au début de la kalima, on vous a fait la différence entre des proches et des personnes qui ne sont pas proches. Robbama, tu sors fi shari, tu ne connais pas. Wahad, majnoun, wahad, wahad, envahi, un savi. Il vient et t'insulte. S'il ne veut pas écouter, tu le laisses, tu fais ta vie, mais là tu ne le verras plus jamais. Un proche là, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta femme, c'est ton enfant, c'est ton élève, c'est ton prof, c'est des proches, ils ont un haq. C'est pas comme un haq que tu ne connais pas. Ça c'est muhim. Qala bitadhakkuri ma fihi min al mahasin wal maqasid al khassa wal amma. Al mahasin, on a cité par exemple l'exemple du père ou de la mère. المقاصد كذلك مثلا الزوجة c'est la femme de tes enfants, tu veux faire des choses avec elle plus tard, ton avenir, t'avances, oublie pas tout ce khayr. Iblis alayhi la'natullah, il veut pas ton khayr. Faliada, il fait tout pour diviser, que ça soit avec la femme, avec les parents, il fait tout pour mettre de la furqa. Aduullah qala wa bihadha al-ighdha, on dit rod basarak, c'est tu tournes le regard. Tu fermes les yeux. Rod al-Basar, c'est fermer les yeux. Et cette expression, on l'emploie en français. Tu fermes les yeux sur certaines choses. Ya akhi, intabih, khassatan avec les zawja. Et avec les parents. Et avec tes enfants. Intabih, tu veux tout régler. C'est bien d'avoir niya de tout régler. Lakin intabih, tu prends en considération tout. Abadan, tu vas te faire du mal. Al-mar'a, elle est naqisa. Le prophète sallam l'a montré. Il y a des choses, tu dois fermer les yeux. Maintenant, une kalima. Elle t'a dit une kalima. Tu sais, c'est pas bien, ça t'a fait du mal. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Tu vas parler, ça va faire un conflit, Obama, ça va très loin. Ferme les yeux. Il y a des choses là, il faut parler, il faut bloquer. Avec les enfants, avec les parents, avec des choses, tu fermes les yeux et t'avances. Et tu verras que, Hattahoua, il l'a dit, il n'avait pas de qaz. Il l'a dit, Hakada, c'est sorti. Tu fermes les yeux, t'avances, c'est oublié, on en parle. Hada, c'est mohim. Qawluhu, wa bihada al-irda an al-masawi wal-mulahada al-mahasin. Tu fermes les yeux sur certaines choses et tu prends en considération le khayr qu'ils ont fait. Tu vas voir que, bi'idni la azawajal, tu ne penseras pas à faire du shor, divorce ou autre. قال تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. Tu veux raha? Tu veux toujours avoir ces fréquentations? Père, mère, femme, enfant. Tu veux pas de furqa? Applique هذا. الإغضاء عن المساوي. Il y a des choses, tu fermes les yeux. Et ملاحظة المحاسن. كذلك, tu peux faire entrer في الإغضاء عن المساوي. Pardonner. العفو c'est مهم. خاصة si on te demande. بعضهم يزون وعادوا بالله بتلو بالشدة عدم الرحمة واحد إلى فين غا إلى فين غا إلو يدي يا أخي عفوا je te demande pardon tu le trouves باقي في قلبه أشياء يا أخي t'as demandé pardon تاب il t'a montré بإذن الله عز وجل خلاص يا أخي ارحم قال عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء نعم si tu lui pardonnes c'est un sebab qu'Allah te pardonne. Il s'est trompé, c'est un insan da'i. Il a fait des choses, il reconnaît, il te demande pardon. Al-afou, c'est muhim, c'est tayyib. Wallahi, yom min al-ayyam, si tu ne lui pardonnes pas, tu as fait une erreur à wahed, tu lui demanderas pardon, il dira la même chose. Allah yabtalik. Et tu regretteras. Là, si c'est fait dans les règles, dans les normes, et il te demande pardon, akhi, afou an. Akhi, c'est une dunya. Aujourd'hui, il s'est trompé, et demain, ce sera toi qui te tromperas avec un autre. Enfin, celui qui veut raha. Et celui qui veut At-Tuma'nina, et celui qui veut Qalbuhu Yanshari, ou Irtah, il applique هذا السبب العظيم. الإغضاء عن المساوي وملاحظة المحاسن. أما les choses qui touchent le din, abadan. نحن الآن, vous avez remarqué, on parle mu'amala avec les proches, avec. Il a parlé sur toi. أما في مسائل الدين, abadan. النبي صلى الله عليه وسلم, il pardonnait. Et il avait du rifq diddan. Lakin quand ça touchait au din, فكان ينتقم لله عز وجل كما في حديث عائشة أحيانا يدفني غوج كم من الناس اللي فزوا دي شوز يصبر لكن كنت ستوشي الدين عليه الصلاة والسلام أبدا واحد مثلا أن تبخوش يفك تفاس المعصية ton père مثلا يتدي يا ولدي غاز la barbe أو porte un pantalon أو achète une télévision pour tes enfants أو دي tous ces مناكي منكرات فلا بهذا الحال تدي صحيح

il va stafed jiddan. Et baqiyat l'umour, c'est un enfant. Ma pardon, moi, c'est les cris, cris, cris, cris. Le jour où il y a quelque chose de grave, il crie l'enfant, mais il va aller. Il a l'habitude des cris. هذا c'est مهم. قال فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة. صحيح. Il y aura, خلاص, la mahabba que t'as entre toi et ta femme, toi et ton enfant, toi et ton père, si tu ne fermes pas les yeux sur certaines choses et tu ne prends pas en considération le khayr, ça mettra de l'attention. Sahih. Cette femme, elle va sentir que tu ne tiens plus à elle. Ce père, il va sentir que tu ne le respectes plus. Cet enfant, il va sentir la tuba alibé. Le moindre chose, l'enfant, il fugue. La femme, robbama, elle part. Et le père, robbama, il t'hajar. Il n'y a plus cette mahabba. Fantabihu lihada. Ça, c'est muhim. C'est, cette femme, c'est une ni'ma qu'Allah t'a donnée. Ce père, cette mère, c'est une ni'amillah. Cet enfant, c'est une ni'ma kadhalik. Hafid ala ni'am. Si, ça n'a pas arrivé un cas, une femme sharira, elle n'écoute pas, elle te fait du mal à ton dîn, t'as tout essayé, t'as patienté, elle ne veut pas, c'est akhar. C'est akhar. Ou un enfant, mudbir, tu lui montres, il ne fait que des problèmes, il fait du mal à ton dîn, tu lui montres, il ne veut pas écouter. C'est akhar. Nous, on parle, ahyana, il y a des masa'il. Inch'Allah, on peut régler. Et ça n'a pas le blaouqat. Parle au kathir min al-nas. On n'a pas fini. قال ولا بد يتكدر ما بينه وبين ما يتصل به من المحبة ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. مثلا من حقوق الزوج على المرأة c'est qu'elle prend soin de lui, elle lui fait à manger, elle prend soin du bait, il a besoin d'habits, les habits sont propres, معروف, ça c'est من شؤون المرأة, elle prend soin du bait. S'il y a des problèmes, tu toucheras ses حقوق. Robama, il y a eu un problème chez Itafe. Tu rentres, elle s'est énervée, elle n'a pas fait à manger. C'est toi, ça revient sur ta tête à toi. Ça y est, ça revient sur toi. Essaye d'éviter tout ça. Reste firaha. Et les choses qui sont acquises, laisse-les acquises. Ça y est, et les choses, il y a les problèmes, on dort, qalil, qalil. C'est un petit problème. Yudhakhim al-mas'ala, ça finit, ou l'iyadu billah, sa vie, c'est un tab. Wallahi, yat'ab, hatta yandam. Yandam, pourquoi il a connu fulana ou fulana, pourquoi yandam, ça devient hayat ta'ab. Namtabi, hada min al-bidaya. T'as des hukouk sur elle a des hukouk sur toi, t'as des wajibat, elle a des wajibat, hakada avec les enfants. Enfin, chaque chose, tu lui donnes son haq. Et al-du'a, c'est muhim. Al-du'a, an Allah subhanahu wa ta'ala yuslih al-ahwal, c'est muhim. Qal wa kathir min al-nas, dhawi al-himam al-aliyah. يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون. إساس مهم وكثير من الناس. صحيح. الشيخ سعدي الآن رحمة الله عليه سائما فعالم من علماء السنة يستنى كثير من الناس سبغي سبوكو تبخسون عند الأمور العظيمة يباسيونت مثلا une guerre, مثلاً la mort d'un proche, مثلاً la pauvreté. هذه الأمور يباسيونت. لماذا؟ لأن وطن نفسه عن هذا. Il sait que c'est une mosquée, il faut qu'il patiente, sinon ça va lui faire du mal. لكن عند الأمور التافهة, les petites choses, il patiente pas. Et ça c'est vrai. لماذا؟ لأن pour lui les petites choses, il fait plus attention, il pense qu'il faut pas se voir vers هذا. Là, là. Et en réalité, les petites choses, ça peut te faire beaucoup plus de mal qu'une grande chose. Une grande chose, مثلاً ça arrive une fois. Tu patientes une semaine, un mois, c'est passé. Ah, mais les petites choses, c'est tous les jours. Si tu ne patientes pas, ça t'empoisonne la vie. قال ويتكدر الصفا والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار. صحيح. Chose كبيرة, il s'y attend. Même s'il ne s'y attend pas, il voit le danger, il patiente. أما الأمور الصغيرة, Robama il se précipite, il patiente pas. Et ça lui fait beaucoup de mal. Et ta'alam, on en a une petite chose, avec une petite chose, avec une petite chose, ça devient quelque chose de kabir. Qala fadharrathum wa atharat firahatihim. Falhazim yuwattin nafsuhu anil umur al-qalila wal-kabira. Al-hazim al-muwaffaq. Al-hazim ay al-mutamassik. Al-qawi. Il fait attention et il patiente les gros problèmes, kadalik les toutes petites choses. Une kalima. Un geste. On cite un exemple, Adalane. Ta femme, elle t'a pas fait à manger à l'heure. Ça, alhamdoulilah, on n'est pas des animaux. Si on ne mange pas à telle heure, on ne peut pas patienter une demi-heure. Ça. Mais ben, alors, celui qui ne patiente pas, il rentre filbé, il dit une kalima, il s'énerve. La nourriture, elle n'est pas prête, il s'énerve. Son kamis, il n'est pas prêt, il s'énerve. خلاص خلاص tous les jours هكذا الى une vie نسال الله العافيه اما une grande chose elle est patiente ننتبه لهذا الامور الصغيره on patiente on patiente لان on sait que ça peut nous faire du mal قال فذرتهم واثرت في راحاتهم فالحازم يوطن نفسه على الامور القليله والكبيره ويسال الله الاعانه عليها الدعاء والله ما من petites choses فالدعاء ما من petites choses une petite chose احيانا نحن on pense que fait دعاء ان الله سبحانه وتعالى يكفيك شر ذلك et qu'Allah يتوفق et tu verras que t'avanceras et نحن كذلك on a un problème احيانا c'est qu'on fait دعاء que pour les grosses choses que ça soit un خير ou repousser un mal on fait دعاء les petites choses احيانا نغفل والله بعض السلف يفزل دعاء pour des choses minimes قال ويسأل الله الإعانة عليها وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين نعم لأن السلوي الله سبحانه وتعالى يحفظ يضيع ويهلك قال فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا صحيح هذا هو المطلوب طمأنينة النفس السكينة الراحة تسعى في طاعة الله عز وجل حتى tu fais partie de ceux في الدنيا ils sont على خير et في الآخرة بإذن الله ils sont على خير نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن ونسأله سبحانه وذلك العفو والعافية وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله باقي أظن أن درس نعم لدغني باب إلى السهل Inch'Allah, استفدنا cette رسالة. On finit. بإذن الله ثم ننظر ماذا نقرأ. Si on peut. مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.